Nous allons maintenant passer la parole à Hélène et Jean-Luc Liout. Donc je vous laisse. Oui, alors tu peux lancer le... agencer vos prises de parole. Voilà, oui, on va se partager. Et puis alors on a pas mal d'images, je vais remonter au début du diaporama. Oui, c'est ce que je fais. Ce contexte. Voilà. Merci. C'est quoi, clic gauche ? Oui, c'est ça. Alors, on a un peu structuré les choses, donc j'avais envie, parce que ça répond, je sais que ça répond à un certain nombre de vos questions, j'avais envie de poser un peu le contexte de la création de Vidéo 13, et puis vous allez voir que tout s'enchaîne. Si on se place en 75, Hélène et moi, nous sommes tous les deux étudiants en cinéma. Après avoir fait des lettres classiques, des lettres modernes, nous bouclons ce qui est à l'époque un diplôme universitaire de cinéma et télévision, avec une partie animation socioculturelle. Nous avons deux enfants aussi déjà, et nous rencontrons dans le cadre du DU de cinéma quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Porte, avec qui nous trouvons que nous avons des idées largement communes, d'inspiration libertaire sans qu'on n'ait jamais appartenu à aucun groupe constitué, et avec l'envie de faire quelque chose avec l'audiovisuel. Moi, je gagne déjà ma vie aussi, enfin en partie, comme documentaliste au CNRS, mais en réalité, ça recouvre un travail de photographe, et un peu de cinéma 16 mm. Et Hélène donne des coups de main, d'ailleurs, au CNRS, et sur un film. Voilà. Dans le paysage, il y a aussi cette revue qui s'appelle Interférence, que au moins certains d'entre vous doivent connaître, que rétrospectivement, je trouve extrêmement en avance sur son temps, qui publiait vraiment des choses tout à fait étonnantes pour l'époque. Dans le cadre du diplôme de cinéma, nous commençons à faire de la vidéo quart de pouce avec la Kai VT100 que vous voyez ici. Et je crois que c'est en janvier 75, on va le voir à la diapo suivante, Hélène et moi, nous partons avec la Kai quart de pouce à Valrogue dans les Cévennes, dans le nord du département du Gard, filmer la fameuse, si j'ose dire, mini-télévision communautaire qui a été créée par un réparateur, vendeur et réparateur de télévision qui, à force de bricoler le réémetteur qui fonctionne mal pour arroser la vallée, a l'idée de greffer sa propre petite chaîne locale sur l'émetteur. Alors, je ne sais pas si on disait déjà TDF, sans doute pas. Sur l'émetteur des chaînes nationales. Donc voilà le studio de Valrogue en janvier 1975. Voilà la caméra de surveillance montée sur un bâti en cornière soudée, un téléviseur qui sert de moniteur, etc. Travelling, c'était une poussette. Voici la table de mixage, le téléphone pour la participation des auditeurs et le modulateur qui alimente l'émetteur et la platine disque qui permet de faire les interludes musicaux. Magnifique bricolage. Et c'est un peu plus tard que la revue Interférence parle de TV4 Valrogue. C'est seulement au troisième trimestre 1975. Je pensais, moi, initialement, que c'était Interférence qui nous avait donné l'idée, mais vérification faite, non. On l'avait su autrement, je ne sais plus comment. Donc, Interférence avait suivi ça également. Nous continuons avec notre copain Jean-Louis Porte à nous intéresser à pas mal de choses. Et nous avons un premier projet que nous appelons tout simplement les actualités régionales, qui est un travail en Super 8, photo au besoin et magnétophone, généralement magnétophone ou heure, au besoin détourné du CNRS. Mais Jean-Louis Porte a des facilités pour le matériel aussi, parce qu'il est lui aussi photographe. En fait, il travaille avec son père, qui a un magasin de photos, un studio de photos à La Ciotat, qui est un artisan photographe, donc... Donc il y a des facilités, par exemple, pour le matériel Super 8. Alors on s'intéresse beaucoup, donc on fait un sujet qui ne sera jamais terminé, sur le projet d'autoroute de Fos à Turin, qui devait passer par la vallée de la Clarée au-dessus de Briançon. Et l'emprise de l'autoroute était telle que la vallée aurait été entièrement détruite, en fait. Et c'est Philippe Bonneau qui nous donne les plans. Et un de nos contacts, qui va être un contact de Vidéo 13 par la suite, qui travaille au Centre d'études techniques de l'équipement, nous fournit, évidemment, détourne un peu le dossier du projet d'autoroute. On se débrouille. Donc voilà un tournage. Photographier les chevelus. Un tournage en Super 8 et magnétophone Hoover en mars 1976 à Montgenèvre, à côté de la vallée de la Clarée, puisque bien sûr, pour le contexte général, on filmait la station de ski voisine. Avec une petite Super 8, effectivement. J'ai oublié de dire, parce que j'ai pas d'image là-dessus, mais que tout à fait à la même époque, en mars 76, là, on va aussi à Grenoble en visite à la Vidéogazette, puisqu'on s'intéresse au projet de télévision communautaire. Et Hélène et moi, à l'époque, nous avions, mais déjà depuis 2 ans, je pense, nous avons fait le projet de partir au Québec pour faire un DEA puis une thèse sur les télévisions communautaires. Et en réalité, la France bloque assez rapidement ce genre d'initiative. On était attendu au Québec, mais c'était moins souhaitable du côté français. Et donc, on fait un DEA sur des questions de télévision communautaire en France, finalement. Donc, c'est trop joli quand même pour ne pas le dire. Les 22 mars 1976, nous sommes à la Vidéogazette de Grenoble. 22-23 mars, en redescendant, nous allons tourner à la Clarée. 1er mai 1976, nous sommes à l'usine Griffé, c'est un très gros conflit, hein, on dit à l'époque le plus vieux conflit de France, à Marseille, une usine de matériel de levage. Et vous voyez que le 1er mai 1976 à Griffé, si vous regardez bien, il y a un moniteur vidéo sur le stand de la CFDT. Alors je ne sais plus quel groupe c'était, il y avait apparemment un moniteur Barco là, qui diffusait des images. C'était peut-être ADP. Non, je ne sais pas. Non, là, je n'ai pas la source. Toujours Hélène et Jean-Louis et moi, nous avons aussi très envie de faire un travail de diffusion. Jean-Louis travaille aussi avec l'association des Frères Lumière, qui est évidemment à la Ciotat. Et par exemple, en mai 1976, vous voyez, nous diffusons à la librairie Lire à Marseille un certain nombre de films, dont, alors, Le procès Badar-Maïnov, c'est même pas le vrai titre. En fait, nous diffusons un film qui s'appelle « De qui dépend que l'oppression demeure » de Pierre-André Boutan et Fred Mort sur la bande à Badère, effectivement, avec diffusion à la Fac de Lettres, dans un cinéma d'art et d'essai, à Cinéviste à Marseille, à la librairie Lire, à Utopia à Avignon. C'est peut-être pas très lisible pour vous. Je vous dis très rapidement un dossier noir du racisme, donc « De qui dépend que l'oppression demeure », « Le chauffe-eau solaire », « Vivre à bon oeil », sur le travail... Les Dents du Singe, film réalisé à la clinique de la Borde, Fou de vivre sur le travail de Ronald Leng, et puis à une date précisée ultérieurement, Mazo et Miso vont en bateau. Bien connu. Tout ça, donc, nous mène. Alors, c'est une, évidemment, c'est de l'histoire subjective. Hein. Heureusement, nous avons quelques archives. Selon nous, c'est quand même les véritables premiers germes de Vidéo 13, hein, ces trois personnes-là. Bon, d'autres diront peut-être un peu différemment, mais quand même, vous voyez qu'en 75, on est déjà en train de tourner. Alors, là, quand même, alors, le projet s'élargit. Hein, on discute avec pas mal de gens. Beaucoup, je pense, par le relais de Jean-Louis, quand même. Et donc nous sortons le 21 septembre 76 ce tract pour un collectif vidéo à Marseille. De tels collectifs existent à Paris, Bordeaux, Toulouse, Grenoble. On réalisait, produit, diffusait de nombreux documents. On démarrait un dans la région, c'est possible, rapidement. Et nos objectifs, vous voyez, d'abord diffuser des bandes, en discuter, mettre en place un circuit de distribution. Deuxièmement, démarrer le plus vite possible notre propre production. Troisièmement, ouvrir enfin une salle de diffusion ciné-vidéo et un atelier de montage. Bon, ça, cette partie-là sera moins réalisée. Pour démarrer concrètement, il nous faut au départ 15 000 francs. Nous avons la moitié de cette somme. Donc ça va donner effectivement une association loi 1901. dont la première présidente est Hélène, et la première adresse est notre domicile de l'époque à Aix. Alors, question sur les prix. Donc, nous avons le devis d'achat du premier matériel de vidéo 13. Hein. Donc, l'ensemble magnétoscope plus caméra plus moniteur, donc le porte-à-pack et le petit moniteur noir et blanc, coûte sur le devis donc 17 761 francs 31 au total. La réponse, je me tourne vers Michel. C'était toute une question, cette question. Donc là, il y a une réponse précise. Voilà. Bon, peut-être pas la seule possible, mais elle est précise. Il s'agit évidemment de ce matériel-là. Hein, voilà, 34-20, 34-50. Ce petit point-là, j'ai communiqué un article qu'on avait fait avec Yvonne en 78, et on disait que l'ensemble avec le montage, c'était 50 000 euros. Alors il faut savoir qu'il faut 50 000 francs. Il faut savoir qu'il faut multiplier par 4,5 pour arriver au franc équivalent, ce qui fait 220 000 francs, et après on divise par 6. Et pour avoir en euros, bref, ça faisait 30 000 euros. Et 17 000, c'est à peu près quand même, c'est certainement pas loin de 10 000 euros. Oui, notre raisonnement de l'époque, c'était, voilà. C'est le prix d'une belle petite voiture. Voilà. C'est pas d'une deux chevaux qui coûtait beaucoup moins cher que ça, hein, c'est le prix d'une jolie voiture. Donc c'est cher. Voilà, la suite du devis, là c'est les accessoires. Bon. Alors si je me rappelle bien, Jean-Louis Porte, dont le père avait un magasin, je termine ma phrase, a pu négocier un prix encore plus bas, donc on a dû tomber effectivement à peu près 15 000 francs pour l'ensemble portable. Oui, c'était pour rebondir ce que disait Marie-Thérèse ou Anne-Marie, je ne sais plus. La proximité avec les fournisseurs s'est effectivement installée. Tu voulais en parler après ? On va en parler. C'est tout. Oui. Ces liens se sont mis en place. Ce sont aussi les fournisseurs qui ensuite ont donné des coups de main pour aider au montage, pour mettre les... Parce qu'en fait, comme on initiait un peu la future... Tout à fait. Voilà. Oui, pour le moment, on n'achète pas de matériel de montage, effectivement. Hein. On n'a pas les moyens, de toute façon. Hein. J'ai quelque part le prix du 3670 de montage, là, sur une page précédente. Bon, je vous le donnerai. C'est très cher. Et donc, effectivement, en un premier temps, on monte... soit dans le milieu socioculturel, les MJC ou autres qui sont équipés, soit chez des vendeurs de matériel qui ont intérêt à ce qui est de l'activité, qui vont finir d'ailleurs par récupérer des clients à la fin, y compris nous-mêmes. Hein. Bon. Mais on monte souvent chez des fournisseurs aussi. Alors voici le premier bulletin, mais je pense qu'il n'y en a pas eu d'autre hein, que le numéro 0. Donc en janvier 77, graphisme artisanal. Donc là, c'est la déclaration un peu officielle d'existence du collectif, avec un de nos fameux symboles qui nous amuse beaucoup, hein, les frères Ripollin de la vidéo. C'est repris d'une affiche des années 30, hein, légèrement modifié, le point levé et la caméra et le micro. Voilà le genre de discours qu'on tient à l'époque. Hein, donc, association 1901, organe d'aucun parti ni organisation. Pas un rassemblement de techniciens, de spécialistes, mais un lieu de réflexion et d'action, indépendant des pouvoirs établis, bien sûr. Faire connaître ce qui se passe dans la région, s'approprier collectivement, lutter contre le contrôle de plus en plus précis, en particulier électronique, exercé dans la vie quotidienne. Nous ne nous reconnaissons pas dans l'image que nous renvoie la télé, hein, vous en parliez, la publicité, les films, nous pouvons fabriquer notre propre image, notre propre parole contre les discours de l'idéologie dominante, langage d'époque. Le premier projet concerne la prison d'Arinc. Il se passe un petit peu, si vous voulez, ce qui se passe à Calais aujourd'hui, c'est une espèce de centre de rétention, de prison clandestine. À Marseille, beaucoup, une bonne partie de la gauche et de l'extrême gauche s'insurge contre cette pratique qui est assez scandaleuse. Dans une brochure que j'ai là, il y a CFDT, Cité Nouvelle, Comité Larzac, École Émancipée, LCR, Mouvement d'Action Judiciaire, Mouvement des Travailleurs Arabes, Organisation Communiste Révolution, PSU, et j'en passe. Hein. Donc c'est le premier projet, une bande sur Arinc. qui est perdu à notre connaissance, mais qu'on a beaucoup diffusé, effectivement. On a fait de la diffusion dans pas mal d'endroits. Hein. Ça, c'était un travail vraiment collectif et tout à fait bénévole. On se passait le matériel de diffusion, la bande, et on allait à tel et tel endroit montrer et discuter. Donc, c'était le tout premier projet. Effectivement, il y avait, voilà, en décembre 1976, à Aix, une manifestation nocturne devant le palais de justice pour la fermeture de la prison, avec, bien sûr, les policiers, les renseignements généraux et les acteurs habituels. Alors ça, c'est dans le document pour une bande vidéo sur un ring. Pourquoi la vidéo ? Ben, un film peut être un instrument pour l'information, mais avec un rapport différent. Il permet un débat. Voilà, ce serait un outil parmi d'autres pour mener campagne contre la prison d'Arinck. C'est la suite du document. Un film sans prétendre à l'exhaustivité pourrait traiter les différents aspects, perception de la prison par l'homme de la rue, prise de position d'organisation, interview de personnes ayant séjourné, mise en rapport avec la situation des travailleurs immigrés à Marseille, etc. Alors ça, c'est la partie savoureuse, c'est une petite note qui est allée avec les bandes pour la diffusion par Mon Œil. La bande est réalisée à partir d'un montage. Nous avons monté sur une bande scotch type H qui a le chic de très mal tenir les synchros, donc ne vous affolez pas si ça décroche. C'était joint à la bande dans la boîte. Et voyez, diffusion Mon Œil. On avait dès le début montré des bandes Mon Œil, et dès qu'on a eu des bandes, on les a déposées chez Mon Œil aussi. Avant de passer à RL vidéo, donc j'ai ici l'état des projets. C'est très précis. Au 29 janvier 1977, d'après le cahier des réunions de vidéo 13, sont en cours en janvier 1977 à Arinck et un travail un peu particulier qu'on va faire avec Hélène, une troisième personne qui s'appelle Denise Kella, qui est devenue enseignante par la suite. Qui est tout un travail avec les enseignants de théâtre de la fac d'Aix, qui font un gros travail de création et d'animation sur les rapports entre l'université et la ville, en fait, qui cherchent à faire changer la représentation des étudiants et des facs dans l'esprit des bons bourgeois. Et donc, alors je sais, il y a un financement, mais je ne sais plus comment. Bon, Hélène non plus. Là, il y a un peu d'argent pour le faire, ça nous occupe pendant longtemps. Et ça donne, alors ça c'est de l'université à la ville qui est déposé, pas encore numérisé ou en cours de numérisation. Ça fait plusieurs bandes, hein. Il y a plusieurs épisodes, il y a d'habitude c'est toujours pareil, puis après il y a l'affaire Goffredi qui est le suivi de la création d'une pièce. Alors, parmi les projets à la date de janvier 77... L'enjeu quand même, c'était la place des étudiants dans la société, dans la ville et dans la cité, puisque la faculté d'Aix-en-Provence était repérée non seulement comme un repère de gauchistes, il fallait que ça, les limites soient bien posées entre la ville et l'université. Et nous, évidemment, en tant que jeunes travailleurs intellectuels, ce qu'on voulait, c'était retrouver la cité. Oui. Alors, toujours dans l'état des projets, là, début 77, on est en train de commencer un travail avec le comité Chili, hein, c'est-à-dire le comité de défense des prisonniers politiques chiliens, qui est très actif à Aix. Hein. Donc là, il y a effectivement un travail qui se fait, auquel je participe surtout moi, je crois. Je ne sais plus avec qui. La bande à notre connaissance est perdue. Il est question à l'époque, alors c'est drôle parce que l'histoire bégaye, d'un projet sur une liste populaire pour les municipales d'Aix-en-Provence. Hein. C'est l'histoire bégaye parce que c'est la première de X listes d'opposition. Puis un peu plus tard, il y a aussi un projet sur l'école, les alternatives à l'école, et un projet sur La Cayolle, qui est une cité pour immigrer à Marseille, qui est plus ou moins issue, d'après les notes, du projet Arinck, une espèce de continuité. Là non plus, je ne sais pas ce qu'a pu devenir le film. Et en 78, alors avec deux autres personnes, avec Marie-Claude Mercier-Taranger, qui est enseignante à la fac d'Aix, qui a été notre prof, discuté avec Basile Lazare, qui est arrivé du Luxembourg. On fait aussi une bande sur les problèmes de logement à Aix, la spéculation immobilière, les marchands de sommeil, les choses comme ça. Pour nous, c'est, je crois, la dernière chose qu'on fait sous le label Vidéo 13, puisque vont se développer parallèlement, d'une part, RL, puis Clivage. Alors, je passe, à moins qu'il y ait des questions sur Vidéo 13, mais ça va être le tour d'Hélène pour RL. Oui, peut-être Hélène présente RL, puis tu présentes un Clivage, et comme ça, on pose les questions ensemble. Bonsoir tout le monde.